ni Belle, ni Vigira. La mise en onde assurée par Ginny Ange Ndaïtéo, merci de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue à ce grand rendez-vous du premier journal de la mi-journée pour le mois d'août. D'abord les grands titres. Dorénavant, les prérogatives d'octroi de la propriété reviennent à une seule et unique personne, c'est le ministre de l'Agriculture, l'Environnement et l'Élevage. Le ministre Deogui Derurema, à la tête de son ministère, l'a annoncé ce lundi lors de la présentation des réalisations de son ministère pour le premier semestre de l'an 2018, vous l'entendrez. Ouverture ce mercredi de la session ordinaire du mois d'août à la chambre basse du Parlement. Le numéro 1 de cette institution, Pascal Nyabenda, indique qu'une dizaine de projets de loi seront étudiés, dont celui portant modification de l'accord de Cotonou. C'est le 1er août de chaque année qu'est célébrée la journée internationale dédiée à l'allaitement maternel. Certaines mères ayant des nourrissons et du travail disent éprouver des difficultés dans la combinaison du travail et l'allaitement. À Lumongue, on parle de l'arrestation de plus de 30 personnes, dont une dizaine d'enfants de la rue. C'est dans une rafle organisée par la police ce mercredi. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Ouvrons ce journal par la page politique. Un atelier d'échange sur les préparatifs des élections de 2020 est prévu vendredi à Kayanza, au nord du Burundi. Ce sera à l'intention des responsables des partis politiques et acteurs politiques, à lire du moins l'invitation du ministère de l'Intérieur, de la Formation patriotique et du Développement local. Certains des leaders politiques disent à ce point que l'une des préoccupations concerne la mise en place des nouveaux membres de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, le mandat des anciens étant sur le point de s'achever. Je vous le disais en titre, le projet de loi portant l'organisation et fonctionnement du secteur du médicament et de la pharmacie est l'un des projets de loi qui seront analysés par l'Assemblée nationale du Burundi lors de la session du mois d'août. Cela a été dit par le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, c'était son mercredi. Dans son discours d'ouverture de la session ordinaire du mois d'août, il a également indiqué que le projet de loi portant modification de l'accord de Cotonou sera sur table. Suivez, Pascal Nyabenda est le numéro 1 de l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord modifiant pour la deuxième fois l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'une part et la communauté européenne et ses États membres d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005. Deux, le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de l'établissement de la force en attente d'Afrique orientale. Trois, projet de loi portant ratification par la République du Burundi du protocole de la communauté est-africaine sur la paix et la sécurité. Quatre, projet de loi relative à la stabilisation permanente et interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour. 5. Projet de loi portant réglementation du médicament, de l'exercice de la pharmacie, la profession d'opticien et de l'art des tradis praticiens. 6. Projet de loi régissant le marché des capitaux. 7. Projet de loi portant création délimitation de la commune Buhaira et délimitation de la commune Mourgui en province de Cibitoke. Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale. Page éducation à présent, les enfants dont leur mère sont des prostituées ne sont pas bien suivis en matière d'éducation comme il se doit. C'est ce qui est confirmé par ces enfants ainsi que leur maman. Ces dernières expliquent que le temps de les encadrer coïncide avec celui d'aller chercher de l'argent pour faire vivre leur famille. Certaines de ces mères prostituées disent qu'au cas où elles obtiendraient du travail, elles pourraient renoncer à cette pratique. Ornella Mucho, reportage. On pourrait sous-entendre que ces enfants, dont leurs mères sont des prostituées, contribuent eux aussi dans leur éducation. Kenny, âgé de plus ou moins 10 ans, dit qu'il se débrouille à sa façon pour faire ses devoirs à domicile et où s'arrange à chercher quelqu'un qui l'aide à réviser à cause de l'absence de sa mère. Lorsque je ne trouve pas quelqu'un qui peut m'aider à faire le devoir à domicile, je le laisse et le lendemain pendant la journée ou la nuit, je continue toujours à chercher celui qui peut m'aider. Si je le trouve, on travaille ensemble et si je ne le trouve pas, je fais seul mon DAD. Kenny dit également que cette manque de suivi de sa mère lui déstabilise en classe. Pour aller à l'école, je prends d'abord la douche, je mets mon uniforme et m'en vais. Lorsque maman n'a pas passé la nuit à la maison, je ne me sens pas bien au cœur, je ne peux pas bien étudier. L'une de ses mères prostituées affirme qu'elle ne peut pas trouver du temps pour l'éducation de ses enfants. Nous avons peu de temps car nous dormons pendant la journée. Par contre, pendant la nuit, on dirait que nous sommes des policiers qui font de la patrouille pour chercher de quoi nourrir les enfants. Ces derniers ne peuvent pas aller à l'école sans manger du pain. Au retour de l'école, l'enfant doit également trouver le repas à la maison et après lui avoir donné de la nourriture, je dois aller dormir. Et comment alors avoir du temps pour l'aider à faire le DAD? On le consacre à Dieu. Plusieurs parmi ces enfants, dont leurs mères sont des prostituées, rencontrées en mairie de Bujumbura, ont l'âge comprise entre une année et 10 ans pour celui qui est le plus âgé. Merci, Ornella Mouch. Après une courte pause, santé à la page. À 13h05, 10 machines, 3 extracteurs d'oxygène et 3 machines de photothérapie sont quelques-unes des machines constituant l'aide égyptienne en faveur de l'hôpital communautaire de Tangara en province de Ngozi. L'ambassadrice Abe Bisouni explique que les choix de cet hôpital et le fait qu'il est placé entre deux provinces, à savoir Karusi et Ngozi. Reportage signé Fétine Wutoy. L'hôpital communautaire de Tangara se trouve presque à la frontière Ngozi-Karusi. Cet hôpital a été construit sous le patronage d'Égypte parce que cette localité était en besoin d'un hôpital, comme l'a constaté Abier Bassouni, l'ambassadrice de l'Égypte au Burundi. En février 2017, j'ai remarqué qu'il n'y a pas un hôpital au bord de Tangara et aussi au bord de Karusi. Alors si on a fourni un hôpital ici, ça peut servir non seulement de Provence et de Ngozi, mais aussi la province de Karus. Alors, comme ça, nous avons choisi Tangara, qui est limite fort entre les deux. Le médecin directeur de cet hôpital, Dr Didas Nzigamasabo, apprécie cette aide en affirmant que elle va faciliter l'exercice de leur métier. Cette aide va servir la population de notre commune, des communes environnantes. Vraiment, c'est d'une grande utilité. 10 machines couveuses, 3 machines de photothérapie, 3 extracteurs d'oxygène, 3 respirateurs non invasifs. Ça va apporter une grande innovation parce que des prématurés, on était contraints de les référer ailleurs. Docteur Didas Nzigamasabo indique que cet hôpital a déjà reçu 300 patients et mois après son ouverture. Et les mères ayant des nourrissons à la maison et qui doivent combiner le travail et l'allaitement maternel disent ne pas être tranquilles quand elles sont au travail, laissant leurs enfants avec des bonnes. Tout de même, elles disent qu'elles sont obligées de travailler pour vivre. Elles le disent à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'allaitement maternel. Et la situation de l'allaitement maternel est satisfaisante et c'est l'annonce du docteur Alain Parfait Bimenyman, directeur technique du Programme national intégré d'alimentation et de nutrition. C'est au moment où, du 1er au 7 août, le monde célèbre la semaine dédiée à l'allaitement maternel. Ce médecin conseille aux parents de ne rien nourrir l'enfant dans les 6 premiers mois, si ce n'est pas du lait maternel. Et je vous l'avais dit en titre, désormais, sur le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de l'environnement, octroie des propriétés tant en mairie de Bujumbura qu'à l'intérieur du pays. Les précisions sont du ministre Deogui Derudema lors de la présentation des réalisations du premier semestre de cette année. Le ministre Derudema a indiqué que son ministère peut octroyer des propriétés ne dépassant pas 25 hectares à l'intérieur du pays pour des projets de développement. Mettre ensemble les deux ministères relève d'un constat amer en matière des constructions. Le ministre Deogui Derudema appelle les cadres de son ministère qui accordent les autorisations de bâtir de se rendre d'abord sur terrain. 12 cordonniers opérant près de l'ancien marché central de Bujumbura, nous sommes au centre-ville de Bujumbura, s'indignent contre la police pour avoir mis le feu sur les souliers qu'ils réparent. Ils disent que cela s'est produit au cours d'une rafle menée par la police au mardi. Ces cordonniers disent ne pas comprendre cette opération. Selon eux, ils auraient dû être avertis si la police voulait les délocaliser. Nous avons essayé de joindre le porte-parole de la police, mais nous a renvoyé au commissaire municipal de la police. Celui-là était en réunion, mais nous continuons de le chercher. 33 personnes, dont 17 enfants de la rue, ont été arrêtés ce mercredi dans la ville de Oulmongue. Certains de ces enfants de la rue avaient été arrêtés dans les mêmes conditions il y a de cela 3 mois et ont dû regagner la rue suite à des mauvaises conditions de vie dans leur famille, selon leur dire. Fin de cette édition, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Gini Angin de Itero pour la mise en onde de l'Iniben Nibigira. Je vous l'ai présenté, je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Bon appétit à tous, au revoir.